C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage en sa forme réelle ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers.